Rose Rosier par Henri Gréville, seconde partie, chapitre premier. Il était tard un soir de septembre quand André sonna à la porte de sa maison. Florence, abandonnée depuis 8 jours, l'accueillit par un cri de joie. La solitude de ce logis abandonné lui brisa le cœur. Un coup d'œil jeté par-dessus l'épaule du jeune homme lui apprit qu'il était seul. Elle trembla aussitôt pour l'absente. « Madame n'est pas ici, » dit-elle d'un ton craintif, redoutant un interrogatoire qu'elle ne se sentait pas en état de soutenir. André se contenta de répondre par un signe de tête. « Il l'a vu, » pensa Florence. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ?» Mais elle n'osa interroger elle-même, tant elle redoutait l'explosion d'une terrible colère chez le maître silencieux. André resta 2 jours sans parler de rien, même à Langlois, qui était accouru dès le lendemain, mais qui n'avait pas osé non plus aborder un sujet si dangereux. Le soir du second jour, Florence, n'y tenant plus, demanda si monsieur n'avait pas de nouvelles de madame. « Non, Florence, pas de nouvelles, » dit André en la regardant tristement. « Monsieur sait que madame est partie d'ici la semaine dernière, mardi soir. Madame a dit qu'elle allait retrouver monsieur. « Je l'ai vu, » dit André avec un grand effort sur lui-même. « Alors madame est revenue avec monsieur ?» continua la vieille servante. Le jeune homme secoua négativement la tête. La pauvre femme se cacha le front dans les mains et s'en alla sans mot dire. Elle avait compris qu'une brouille irrémédiable s'était produite entre les époux. Pour ce jour-là, c'était assez de chagrin. Elle n'essaya pas d'en savoir davantage. Une vague espérance que Rose écrirait prochainement pour désigner l'endroit où Florence devait aller la retrouver avec ses effets la soutenait au fond de l'âme et l'empêcha de demander des éclaircissements au jeune ingénieur. Dès le lendemain, juste André se rendit chez Langlois, qu'il trouva dans son cabinet, et lui demanda un moment d'entretien. « Je suis, lui dit-il, dans un embarras terrible. Il m'est arrivé un événement incroyable dont je n'ose parler à personne, et cependant, il faut que la vérité soit connue. « Ta femme t'a quitté, » dit Langlois. André garda le silence. La pensée que personne ne le croirait quand il raconterait son histoire lui était déjà apparue, mais vaguement. Maintenant, elle prenait une forme affirmative des plus redoutables. « Dis-moi d'abord ce que tu sais des motifs qui ont causé le départ de Rose, » dit André, sans répondre directement. Langlois hésita à son tour, mais l'attitude de son ami indiquait des événements plus qu'ordinaires, et il prit le parti d'être franc. Il lui raconta donc la visite de Gérard Pornic, la querelle qu'en avait été la suite entre lui et Rose, et la résolution subite de la jeune femme d'aller elle-même s'expliquer avec son mari. Quand il eut terminé, André resta silencieux. « Eh bien, tu l'as vue ?» demanda Langlois, inquiet. « Oui, elle est venue me trouver là-bas, un soir. Quel jour ?»« Attends, c'était jeudi soir. » »« Elle avait passé la journée la nuit du mercredi à Paris, » dit le médecin. « Je m'en doutais. » »« Oh, tu ne peux pas te douter de ce qui a suivi. » Elle est arrivée le soir, vêtue d'habits d'homme. Quelle singulière idée. Je me figure que c'était pour s'enfuir plus facilement. Elle m'a abordé dehors, en rase campagne, et m'a demandé de lui rendre sa liberté. J'ai refusé. Et tu m'épargneras le récit de la scène douloureuse qui a suivi. Il s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Langlois, les yeux fixés sur les siens, attendait la suite de ce récit. André reprit péniblement. Cette scène n'a pas été très longue. À un moment, Rose, menaçant de s'enfuir, je l'ai prise par le bras. Elle m'a donné un coup de stylet. Langlois fit un brusque mouvement. « Une égratignure !» reprit André. Elle a à peine effleuré la chair. Le stylet lui est tombé des mains. Rose m'a échappé. J'ai voulu la ressaisir. Je ne sais ce qu'elle a pensé, mais elle était au bord du fleuve. Elle a crié. « J'aime mieux mourir !» Et elle a sauté. « Où ?» demanda Langlois. « 30 pieds. Et une rivière furieuse. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. » Langlois regarda André dans les yeux, avec une telle fixité que celui-ci bondit soudain et se précipita vers son ami. « Charles, tu n'as pas à croire que c'est moi qui l'ai tué » dit-il d'une voix rauque. « Tu aurais été dans ton droit, » répondit lentement le médecin. André se laissa retomber sur son siège. « Tu l'as cru ? » dit-il épouvanté. « On peut donc le croire ?» Langlois fit un geste de dénégation. Ceux-là seuls, qui ont su à quel degré d'exaspération cette femme pouvait porter un homme, sont en état de concevoir cette idée, et ceux-là sont peu nombreux. Dans le monde qu'elle préfère, on ne la prend pas assez au sérieux pour avoir envie de la tuer. « Tu y avais pensé, toi ?» fit péniblement André. « Ce serait trop long d'en parler, » dit évasivement le jeune docteur. « Donc, elle s'est noyée, tu en es sûr ?»« Aussi sûr qu'on peut l'être tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps, » répondit André. « Tu as fait ta déclaration aux autorités de l'endroit ?» L'ingénieur regarda son ami d'un air bouleversé. « Je n'y ai pas seulement songé, » dit-il. « Et cela se passait en race campagne, dis-tu ? Y avait-il des témoins ?»« Je n'ai vu personne. » Les deux hommes s'entre-regardèrent en silence. « Mais parle donc !» s'écria André à bout de force. « C'est très grave, » dit lentement Langlois. « Raconte-moi tout cela en détail et tâche de ne rien oublier. » Malgré l'horrible émotion qui lui serrait la gorge, l'ingénieur s'appliqua à reconstituer l'histoire de cette lugubre soirée. Aidé par les questions de son ami, il y parvint, non sans peine. Langlois prenait des notes pendant ce récit. Lorsque ce fut fini, le médecin relut soigneusement à haute voix ce qu'il venait d'écrire. « Est-ce exact ? » demanda-t-il. « Absolument exact. »« C'est bien, » fit Langlois en serrant le papier dans son coffre-fort. « Ceci pourra nous servir plus tard. Mais dis-moi, au nom de tout ce qui a quelque raison sur la terre, pourquoi tu n'as pas fait ta déclaration au moment même de l'événement ?»« Mon ami, » dit André, un peu calmé par le sang-froid du docteur, « mets-toi à ma place. » Un jeune garçon me demande, ce querelle avec moi me blesse et se jette à l'eau. Comment veux-tu que je fasse comprendre à ces braves gens que ce jeune garçon dont on ne peut pas retrouver le corps est ma femme légitime, qui a essayé de me tuer et qui s'est noyée de dépit de n'avoir pas réussi? Sans l'idée de Rose de s'habiller en homme, j'aurais peut-être essayé de faire la lumière là-dedans, et encore, non, j'étais trop abattu, trop bouleversé. Pense que j'avais un coup de stylet dans les côtes, et que je ne savais pas au juste ce qui en était. Mais le lendemain, insista le docteur, c'est le lendemain que j'ai réfléchi à l'insuffisance de mes explications. Si l'on avait retrouvé le corps, je ne dis pas, mais puisqu'il est introuvable. Et pendant ton séjour à Bruxelles, tu n'as pas entendu dire qu'on ait retrouvé un cadavre dont le signalement corresponde à celui de ta femme? J'ai lu tous les journaux, et je suis certain qu'elle n'a pas été portée à la rive, car le fait seul d'une femme noyée habillée en homme est assez remarquable pour attirer l'attention publique. » Langlois soupira fortement. « Enfin, dit-il, c'est une singulière histoire, en effet, et de la façon dont tu la racontes, elle trouverait peu d'auditeurs convaincus. Je crois que le mieux sera d'en parler le moins possible. Il faut pourtant que Florence le sache. Elle m'a fait hier soir des questions qui m'ont fort embarrassé. Je lui raconterai le suicide de sa maîtresse, mais d'une façon moins embrouillée que tu ne le ferais. Il est assez naturel que tu sois désireux d'éviter un tel entretien. « Tu me rendras vraiment service, » dit André. « Je le crois. Maintenant, montre-moi ta blessure. » Il l'examina et se montra satisfait. « Tu aurais pu au moins y mettre un appareil, » dit-il. « Mais tu as la chance des néophytes. Ça se fermera tout seul. Seulement, tu emporteras la cicatrice toute ta vie. Tout cela m'est bien égal, » dit André. « Pas à moi. » « J'en suis bien aise, » répliqua le médecin en appliquant une bande de sparadrap sur la plaie. « Cela pourra te servir à l'occasion. » « Voilà qui est fait. Maintenant, je te conseille de dire à tout le monde que Madame André voyage à l'étranger. Ce sera plus prudent. Au bout d'un laps de temps suffisant, nous annoncerons sa mort. Je me charge de Florence. D'ailleurs, à mon idée, on ne te demandera guère de nouvelles de ta femme. Il ne manque pas ici de gens pour répéter qu'elle s'est enfuie avec ce fabricant de drames. » André réprima un mouvement. « Paix à sa mémoire, » dit-il. Et les amis se séparèrent.